Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Et puis, ben, on a de la belle visite. Comme promis, on a la visite de Pépé. Salut, Pépé. Salut, Danny. Ça va bien? Yeah! Yes, qu'est-ce qui nous vaut ta visite? Qu'est-ce qui vous vaut ma visite? Oui! Crime, je suis à Trois-Rivières. Fait que tant qu'elle est à Trois-Rivières, on va aller à la radio universitaire parce que c'est cool, les radios universitaires. Puis, t'étais pas à Trois-Rivières mardi, toi? J'étais au Gambrinus? Ouais, c'est ça. Mardi, j'étais au Gambri. Hier, je faisais entrevue aussi. Puis c'est ça. Puis à soir, je fais un genre de party privé. Ah ouais? Où ça? C'est privé, on le dit ouais, pas. Ouais, c'est privé, on le dit pas. Okay. Désolé, je peux pas inviter le monde, mais je vais revenir de toute façon. Mais c'est-tu un party privé dans le coin? Ouais, c'est ça. C'est un genre de party privé à Trois-Rivières. Oh, ben on est chanceux. Et puis, de ce temps-ci, c'est quoi que tu fais, que tu promouvois finalement? Je fais la promotion dans le fond de mon dernier disque, mon dernier record, c'est Pépé Ghost français qui se trouve à être un album de genre d'exercice rassembleur qui veut rassembler les générations en faisant des reprises de tunes la France, mais tout ça dans une sauce Pépé. Exactement. Tu étais venu présenter, je pense, au début, ta tournée de show, mais il n'y avait pas d'album encore, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a commencé avec un projet de spectacle, puis finalement, la gang était tellement cool, puis je me suis mis à entendre des extraits. Je me suis dit, crime, ça serait. Il me semble que ça pourrait faire un beau party là, de gang de chums dans un studio à jouer du rock. Fait que j'ai décidé de produire un album de ça. Ben c'est bien le fun. Puis je suis allé voir le making of de ton vidéo, justement, le cœur de rocker, je pense. Ouais, c'est ça. C'est le dernier extrait. On vient de sortir ça. La vidéo, dans le fond, il passe maintenant à Musique Plus. Vous pouvez aller voter, d'ailleurs. Puis c'est ça, nouveau vidéoclip, dernier extrait de Ghost français. OK. Puis là, ben comme t'es venu mardi, j'aurais aimé ça te dire, ben quand est-ce qu'on te voit à Trois-Rivières? Mais là, je te vois là, mais sinon, est-ce qu'il va y avoir une tournée pour cet album-là ou c'était ça, ta venue au Gambrinus, finalement? Mon Dieu, c'est quoi ça? Ça, c'est moi qui sonne, je suis désolé. Attends, je vais attendre ça. Ah, c'est les joies de la technologie, ouais, okay, c'est hein? Bon, ben ouais. Hey, de quoi qu'on parlait? Ouais, c'est ça, je suis venu l'été passé avec Ghost français au Festivois, puis j'espérais bien revenir l'été prochain, en fait. Peut-être faire genre le show de clôture sur le gros stage avec le Big Band, ce serait bien hot. OK, puis des compos originales de Pépé, c'est pour quand? Ça va être pour le printemps. J'étais en pré-production d'album. Là. Toutes mes tunes sont composées parce que, mine de rien, en même temps que je faisais Ghost français, quand je rentrais chez moi, je continuais à travailler dans mon studio puis à écrire mes tunes. Fait que c'est ça, prochain album de compo, meilleur album à venir de Pépé, théoriquement au printemps. Mais faut que ça soit sa coche. Fait que si c'est pas sa coche, on attendra, mais ça devrait être prêt, ouais. Ben, d'habitude, en spectacle, ça rentre quand même assez du pépé. Qu'est-ce que tu peux nous offrir aujourd'hui? Ben, je vais faire un medley, dans le fond, de ce qui se trouve sur Ghost français, un genre de survol des tunes, version acoustique cette fois-là, parce que, bon, sur l'album, c'est de la guitare électrique, de la basse, du drum, de la disto, de la trompette, du B3, du saxophone, full d'affaires. Fait que, mais là, c'est version acoustique. Bref, on va faire un petit survol, puis après ça, si on a le temps, ben, j'en jouerai un autre. OK. Parfait. Et un, et deux, et un, et deux, et trois. J'ai vu Berlin, Bucarest et Pékin, comme si j'y étais. Matin et soir, le nez dans la télé, c'est encore plus vrai. J'étais de tous les combats, collé devant l'écran. À la fois à Soweto, en Chine et au Liban. J'ai tout gravé quelque part sur ma peau, tellement que j'en ai les bras comme des romans photo. Blessures de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. C'est à Canary Bay, ouh, ouh, des filles qui vivaient en secret. C'est à Canary Bay, ouh, ouh, des filles habitaient par milliers armées. De toutes les filles qui m'ont fait craquer, la seule que j'ai vraiment aimée, c'est celle qui m'a quitté. J'ai été bien embêté. Hey, hey, hey, hey, hey. Oh, yeah. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais complètement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est « Tu vas finir ta vie tout seul !» Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah, à ta santé, à tes amours, à ta folie. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Roméo, Juliette et tous les autres, du fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre est de celle qu'on n'écrira jamais. Ok, un petit refrain, tout le monde ensemble. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Wow! Merci, Pépé! Ouais. Ben, finalement, tu nous as présenté presque tous les titres de l'album. Ouais. Non, ben, pour vrai, j'en ai fait, je compte pas, mais ben, je pense que j'en ai fait 7 sur 12. C'est quand même pas mal ça. J'ai juste survolé comme ça parce qu'on vient de le recevoir. Il est tout chaud, là, pour nous ici. Il est tout chaud, ben quoi, ouais, c'est ça. Pour ici, ben, ça fait déjà quand même un an que je l'ai sorti. OK, mais on l'avait pas reçu, nous, ici. Christy, il était temps. Ben, il était temps, certain. Surtout qu'on vous joue, parce que regarde tes vieux albums, là, ils sont usés à la corde. Il y a même plus de pochette, presque. On va vous en renvoyer d'autres, c'est rien que ça. Ben, c'est rien que ça, vous avez juste à nous envoyer. Donc, si on veut te revoir, si on veut, etc., qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va sur pepeetsaguitare.com, on check les dates, on fait attention à soi pour être en santé pour quand le jour important va arriver, c'est-à-dire le jour du show de Pépé. Si vous demandez, ouais, mais là, si tu as de Pépé, ben, trouve quelqu'un qui m'a déjà vu en show, puis... Tu vas voir qu'il faut que tu viennes me voir en show, man. Mais c'est ça. En fin de semaine, demain, je m'en vais à Jonquière. Je sais pas s'il y a des gens qui retournent chez eux en fin de semaine qui viennent de Jonquière. Samedi, j'étais à Alma. Puis bref, c'est ça. Aller sur le site, c'est tout le temps plus facile. Et efficace, ouais, facile. Ben merci beaucoup, Pépé. Yeah, ça m'a fait plaisir. Peux-tu nous faire un autre petit track ou. Ben, mais hein. Je vais faire. Une petite chanson. Chanson à leçon. Je suis pas ici pour vous faire la leçon, mais je vais quand même vous faire une petite chanson. Moi, je m'en fous que t'aimes le poil ses cuisses, et je tiens à préciser qu'on est en 2010. Quand tu voyais ton ami lever des haltères, t'as senti ton membre dur comme le fer, mais t'en fais pas. T'es pas gay. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay. C'est réglé. On n'en parle plus, ok? T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay, pop! Tu n'as eu qu'une relation homosexuelle à 4 heures du matin dans une ruelle, mais t'en fais pas. T'es pas gay. Le lendemain, t'as oublié. Évidemment, c'est plus sain de refouler, non, t'en fais pas. Tu n'es pas gay. Non! T'es pas gay. Pas, pas, pas, pas. T'en fais pas. Pas, pas, pas, pas. T'es pas gay. Pas, pas, pas, pas. T'en fais pas. T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay. Pas, pas, pas. C'est réglé, pas, pas, pas, n'est-ce pas? T'es pas, pas, pas, pas, pas, pas. Transition. Quand tu t'endors, tu vois plein d'hommes tout nus et tu te réveilles avec le doigt qui pue, mais t'en fais pas. T'es pas gay. Le bonheur, tu t'en fous, tu t'en prives avec tes barrières émotives, non t'en fais pas. Tu n'es pas gay. En fait, ce qui est pas gay. C'est tes journées, hey. Non, ce qui est pas gay, hey. C'est tes journées, hey. T'es pas gay. boogie, boogie, boogie, boogie. N'est-ce pas? Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie. OK. Quand ta vie n'est qu'un tissu de mensonge, il faut pas avoir peur de prendre une plonge. Si tu veux vraiment mon avis, tu devrais tester. C'est qui tes vrais amis qui vont rester? Mais ça se peut pas, parce que t'es pas gay. Non, ça se peut pas, oh, parce que t'es pas gay. T'es pas gay, ça se peut pas. T'es pas gay, c'est réglé. T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay. Wow, merci. Merci. Est-ce que c'est pour le prochain album, ça? Oui, c'était une nouveauté, un petit truc frais pour toi, Danny, et pour la radio universitaire de Trois-Rivières. Non, on va en disquer ça de bord, nous autres. Là. C'est tapé, ça, là. C'est tout tapé. Ben, oui. Vous aurez une version live, vous gardez ça en archive, ça va valoir full de cash. Ah, on le sait, c'est sûr. Hey, justement, j'ai trouvé ça drôle parce que j'écoutais ton making-of, justement, de ton petit vidéo. Et puis, tu disais que tu voulais rendre la pièce cœur de rocker rock. Ben, ça s'appelle cœur de rocker. Fait que je me suis dit, c'est drôle qu'il ne l'ait pas fait rocker, tu sais. Fait que je me suis réessayé. Ben... clavier, j'ai... Bon, attention, là, il y a une clavier okay. dans la salle. Mais quand c'est trop fort dans le mix, tu sais, il manque de guit. Moi, personnellement, ben moi, je suis un fan d'ACDC et tout ça. Moi, j'aime ça, la guit dindant. Fait que... bref, j'ai voulu faire une version qui rock et je m'auto-tape l'épaule en me disant « Mission accomplie, Pépé ». Ben, merci, Pépé. Merci de ta visite. Ça m'a fait plaisir. Avec quoi tu voudrais qu'on se quitte sur cet album ou ben encore? Le dernier extrait, dans le fond, on met « Cœur de rocker ». « Cœur de rocker », qui est la pièce neuf. Plutôt d'en parler, la péter, le monde constateront par eux-mêmes ce qui se passe. Exactement. Puis on peut voir maintenant la vidéo à partir de là, là. À partir de maintenant, sur YouTube, sur Musique Plus, allez voter si vous le trouvez pas pire. Et puis, surveillez justement les dates de spectacle de Pépé. On te remercie et on vous remercie à tout le monde. À la prochaine. Yes! Je n'étais encore qu'un enfant de cœur, que j'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école, je vivais que pour mes idoles, yeah yeah yeah. Yeah, yeah. Je n'étais encore qu'un teenager, je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est tu vas faire mourir ta mère. J'ai vraiment aimé, c'est celle qui m'a quitté. J'étais bien embêté. Hey, hey, hey. Hey, hey. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais complètement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est tu vas finir ta vie tout seul. J'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais baby, je te mets quand